qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh, c'est un cheval. C'est un cheval en quoi? Oh oh, c'est un cheval. C'est un cheval en bois. Oh oh, c'est un cheval. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh oh, c'est un cheval. Mais c'est un cheval en quoi? Oh oh, c'est un cheval. C'est un cheval en bois. Oh oh. Yeah.